Mais s'il prend sur lui-même une décision en relation avec moi, il ne sait pas comment est-ce que je vais réagir, moi. Lui, s'il pense qu'il me dérange, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, moi. Si je ne veux pas m'aider, fait qu'il a manqué que j'annonce ça, puis il risque de ne pas renflouer sa caisse. Ah oh ouais, je vais en parler. D'ailleurs, ça non, il fait partie de mes lettres. Quelle date, ça? Pourquoi tu es en action, jamais en réaction. Puis être capable de prendre des réactions objectivement quand elle vient, s'il n'y en, si en a pas. Mais tu as fait le mouvement, l'énergie a passé. Tout le temps. Tout le temps. Fait qu'éventuellement, tu développes une résistance, même si une réaction, tu l'absorbes, l'énergie, tu continues pareil. Si j'avais annoncé ça à 400-500 personnes, ça aurait aidé à sa caisse. Puis on fait tout le temps ça. Puis moi, je suis un peu étranger. Pour lui, même toi, avec nos parents, comment est-ce qu'on est, notre mère, notre belle-mère, nos grands-pères, on ne fait pas passer l'énergie. Quelle date, ça, ta femme? Lui, il est comique, tu sais. Il a l'air d'un gros tof, tu sais. Sa grosse moustache machiavélienne, il est bien doux. Hein. Il est bien drangué au port. Il n'est pas aussi tof que l'air. Ben. Wow! Wow, wow, wow, wow. Mais, il ne canalise pas toute son énergie. Il y a encore un retien. Bon, ça fait partie de l'expérience. Ouais, attends une minute. Si un gars avec qui il devra pas prendre ces choses en considération, c'est moi. Si les gens commencent à me prendre en considération, les gens viendront vraiment me parler pour ouvrir une pizza. Comprends? Bon, dis ça, c'est bien trop. Ça ne l'intéresse pas. Tu savais pas que ça ne m'intéresse pas une pizza? Fait qu'on rationalise, puis on rationalise. Aussitôt que tu as une énergie, il faut qu'elle passe. Il faut qu'elle se manifeste. Fait que si t'as une idée, il faut qu'elle passe, cette idée-là. Si tu commences à bloquer le signal, elle vient de mourir. Ou tu y enlèves de la puissance. C'est ça qu'il a fait. Ça devient compliqué encore. Il y a du discernement, tout. Toi, t'as tendance à prendre ça gras comme une carotte. C'est comme un lapin, t'en donnes une carotte, t'apprends tout de suite. Des fois, il faut que tu l'épluches ta carotte. Il y a des aspects à ça. Lui, c'est la considération qu'il avait acheté le prix, ainsi de suite. Mais il faut que je fasse quand même comprendre le principe que, surtout quand c'est une situation comme la sienne, où il fait un party pour nous autres, surtout comme je commande un micro, ainsi de suite, mais c'est bon que tu viennes me voir et dis, mais t'en parleras-tu? Si, j'en parle pas, mais là, on saura pourquoi, faut pas que j'en parle. Hein? Bon, c'est au Sheraton Mont-Royal, la même place que l'autre fois. Sheraton Laval. Pas l'énerver. Au Sheraton Laval. Quelle date? Samedi prochain, 8h. Hélène est là pour prendre les inscriptions. Il parle du monde. Activez tout le monde. Mort, en tout cas. La mangiare? Si vous ne voulez pas, s'il vous plaît, je vous demande de rester ici encore 5 minutes, tu as le temps d'installer les choses sur les tables. Je peux te continuer à parler? Tu peux continuer à parler si tu veux. OK? Oui, madame. On vous en fait, madame. Oui, c'est là.